25e chapitre. Herveïc, l'aveugle. Amaury, malgré la haine qu'il savait exister entre son frère et Dugranec, n'avait pas cru devoir contrarier les inclinations de sa filleule, à qui il devait tant de reconnaissance. Il avait vu avec plaisir le fils du comte de Pratmaria rechercher son alliance, car il avait pu apprécier depuis longtemps les sentiments élevés de ce jeune homme, et il entrevoyait pour Clara une certitude de bonheur dans l'avenir. Il avait parfaitement compris que ce mariage, en irritant la fontenelle, l'éloignerait peut-être à jamais du château de Beaumanoir, où il pourrait craindre de se retrouver avec celui auquel il avait pardonné à Plogastel-Saint-Germain. Malgré ces considérations, le baron n'était pas homme à pactiser avec son devoir. Aussi répondit-il au comte, lorsqu'il eut sa visite, qu'en cette circonstance, il n'aurait d'autre volonté que celle de Clara. Mademoiselle de Loquevel accueillit avec joie la demande de son ami d'enfance. Alors elle se rappela son entretien avec lui la veille de son départ pour Brest et se ressouvint des espérances qu'elle lui avait données lorsqu'il lui avait avoué l'intention où il était de solliciter plus tard sa main. Clara répondit donc à son parrain qu'elle serait fière de devenir la femme et la compagne de l'homme qui avait aidé Kérolin à sauver Quimper et qui avait tant de fois exposé sa vie pour le salut de son pays. Le baron la serra sur son cœur et lui dit qu'il approuvait cette union parce que Dugranec était brave et vertueux et qu'en outre c'était un des meilleurs chevaliers qui eussent jamais porté l'épée en Bretagne. Quelques jours après, comme nous l'avons dit, eurent lieu les noces qui se célébrèrent à Beaumanoir. Le comte, Dugranec et Clara ne voulurent pas quitter immédiatement le baron après la cérémonie nuptiale. Ils craignirent de laisser leur ami seul avec ses anciennes douleurs, alors que les plaies de son âme n'étaient pas encore assez cicatrisées par le temps. C'est pourquoi, avant de partir pour le Laz, où désormais ils devaient habiter ensemble, ils demeurèrent 15 jours chez Amaury. Quand ce terme fut écoulé, il fallut se séparer. Rien ne fut plus touchant que les adieux du baron et de Clara. Madame Dugranec fondit en larmes, et il lui sembla, malgré l'amour qu'elle ressentait pour son mari, qu'elle aurait bien de la peine à vivre loin de son parrain. Ursule suivit sa maîtresse et quitta aussi Beaumanoir Eder. Quant au baron, il fut sur le point de se trouver mal en voyant s'éloigner sa douce et bonne compagne, car il songea que désormais, il serait sans appui et sans consolation si de nouveaux malheurs venaient à l'atteindre encore. Avant de s'éloigner, on se fit réciproquement la promesse de se visiter chaque année et de s'écrire le plus souvent possible. En rentrant dans son manoir, tout affaissé sous le poids de son chagrin et en portant ses yeux mouillés de pleurs sur l'habitation de ses pères, Amaury s'effrayait à cause de la solitude dans laquelle il allait se trouver. Alors il songea à son frère et se demanda s'il serait à son égard plus sévère que le roi, s'il ne lui pardonnerait pas. Il s'étonnait beaucoup que la fontenelle, après la pacification, ne fût pas venue le voir, si toutefois il n'avait pas quitté la France. « S'il reste en Bretagne, pensa-t-il, c'est qu'il aura formé l'intention de faire oublier ses fautes par une vie expiatoire. Peut-être enfin la honte aura-t-elle monté à son front et la rougeur produite par le remords aura-t-elle brûlé son visage? Si mon frère n'était pas revenu à de meilleurs sentiments, il ne faut pas en douter. Il eût suivi mes conseils et se serait expatrié. S'il n'est pas venu ici, c'est qu'il redoute ma présence et qu'il a compris la répugnance que j'aurais à toucher sa main encore rouge du sang qu'il a versé. Mais quel que soit l'avenir que Dieu lui réserve et quelle que soit sa conduite future, s'écria le baron d'une voix solennelle en jetant les yeux sur le vieil écusson des beaux manoirs, « Je jure devant les armes de mes nobles aïeux de pardonner à Guéder et de ne jamais lui parler de sa vie passée. » Après ce monologue, le baron sentit son cœur soulagé. Il rentra dans l'intérieur de son manoir, où avec son intendant, il s'occupa jusqu'à la fin du jour à disposer les aumônes et les secours qu'il avait coutume de faire distribuer tous les dimanches aux pauvres des paroisses environnantes. Après le départ de Clara, qui jadis se chargeait de ce soin, Beaumanoir comprit que c'était à lui de la remplacer. Il savait d'ailleurs que les bénédictions du pauvre sont un baume puissant pour les profondes blessures du cœur, et il connaissait les joies que procure la charité. Dans sa retraite, Il aurait encore deux appuis qui le rendraient bien fort. D'abord, sa conscience de loyal gentilhomme qui ne lui reprocherait rien. Puis, la considération toute particulière dont l'environnait la noblesse de Bretagne. Le lendemain, qui était un dimanche, on pouvait voir de l'une des fenêtres du château une longue file de pauvres et d'estropiés s'avançant à travers la grande avenue et s'acheminant vers Beaumanoir-Eder, dont la porte était alors ouverte. Quand ces malheureux eurent franchi le seuil du manoir, ils s'assirent sur des bancs de pierre placés le long des édifices. Mais ils n'y demeurèrent pas longtemps, car la cloche de la chapelle vint les avertir que la messe allait être célébrée à l'instant même. À ce religieux signal, aussitôt le petit temple fut envahi par la foule. Ceux qui ne trouvèrent pas de place dans l'intérieur s'agenouillèrent sur les pavés de la cour et assistèrent religieusement à l'office divin. Parmi ces derniers, on pouvait remarquer un vieillard à la figure vénérable et dont les lignes du visage offraient un caractère de distinction peu commune. Cet homme avait une longue barbe blanche qui lui descendait jusqu'au milieu de la poitrine. Il était de haute stature et portait à la main un grand bâton ferré, destiné à soutenir ses pas et à diriger sa marche. C'était Hervéic l'aveugle, le vieux barde que nous connaissons déjà. Ce jour-là, comme il était venu à Beaumanoir dans la compagnie des autres mendiants, il n'avait point avec lui son chien qu'il avait laissé dans sa chaumière, située à une demi-lieue du château. On ne voyait pas attaché sur ses épaules, comme aux jours ordinaires, le vieux sac de peau qui contenait ses complaintes et ses balades. L'aveugle avait mis ses habits de fête, et à le voir ainsi costumé, on l'eût pris non pour un indigent, mais pour un cultivateur aisé. Dès que la messe fut achevée, Amaury, accompagné de son intendant, commença à distribuer ses aumônes. Tous les pauvres, joyeux et pleins de reconnaissance, s'en allèrent en donnant mille bénédictions au baron et en priant le ciel pour qu'il accordât de longs jours à leur bon seigneur. Après leur départ, comme Beaumanoir montait le perron qui conduisait à ses appartements, il fut tout étonné d'apercevoir le vieil Hervéic assis au haut des degrés. Aussitôt l'aveugle se leva de sa place et, sans se tromper, il tira humblement son chapeau, comme s'il n'eût pas été privé de lumière. « Mille pardons ! » s'écria-t-il. « Monsieur le baron, si vous me trouvez encore ici, et si je ne suis pas sorti avec les autres, mais j'avais à vous parler et à vous entretenir d'une chose que j'ai peut-être eu tort de vous cacher jusqu'à ce jour. » Amaury, après avoir forcé Hervéic à se couvrir, le fit passer dans une des salles basses du manoir.